Capron. La maison mère s'installe. C'est Dieu qui donne. L'adjoint derrière chaque note. Longue vie à nous. Herbel Gang. J'ai le mandat du ciel, enfoiré. Je veux pas être le calife à la place du calife. Je remets la calache à la place du canif. J'appartiens à Dieu, à la base je suis pas libre. J'emporte ton ralice car je porte le calibre. Tous mes démons sont calés sur le palier. Je construis un palais, ils veulent m'en parler. Gérer le terrain, le monter comme Marlowe. Pour voir ton petit te menacer au parlu. C'est pas ma faute, j'écoute pas vos titres sur ma boîte vocale, j'écoute pas vos pics. Je ressors d'un drame grec, elle est maudit. Je reçois des menaces, des notifs. Que je ramène ma mère au concessionnaire Audi. Je ramène la petite acheter des nouvelles bottines. Cicatrice des gels, la magie à Potter. Le magie à Poutine. Rien que du mépris. Maintenant qu'on est grand, qu'on peut rabaisser n'importe quelle pute. Je t'enverrai les gris. Si tu fais le gros, je peux plus t'apporter n'importe quelle pute. Ce soir on décale, j'appelle mon négro. Sincère quand j'écris, je suis sur ton écran. 5 ans que je médite, 5 ans que je maigris, 5 ans que je m'épuise, 50 000 mégots. Ils sont loin. Loin de savoir ce que je prépare. Loin de savoir ce que je ne sais pas. Loin de savoir ce qui nous sépare. Pour palper, je vais taper que personne ne sépare. Cœur cassé que personne ne répare. Je suis pas rouge, je la prends pas même si elle est coquette. Hago calibré pour le choquer. Ils sont loin. Loin de savoir ce que je prépare. Loin de savoir ce que je ne sais pas. Loin de savoir ce qui nous sépare. Pour palper, je vais taper que personne ne sépare. Cœur cassé que personne ne répare. Je suis pas rouge, je la prends pas même si elle est coquette. Hago calibré pour le choquer. Si je fais ça, finir la vie de ta mère. La vie de ma mère, j'en ai pas mal au cœur. C'est chacun sa tombe, chacun sa poche. Chacun sa mort, chacun son heure. Chacun son arme, je l'ai confectionné. Chacun son ombre dans le confessionnal. Ils ont de la merde dans le cerveau, ils peuvent pas raisonner. La maison mère, elle est professionnelle. Et mes refrains sont là, donc je me refais solo. Motivé comme ce détenu qui refait sa lettre. J'ai la prétention de vivre à Babylone. Enterrer mon cadavre à Jérusalem. Sarraziné dans mes actes et mes paroles. Je baisse des missiles, tu baisses des écolières. Espèce d'imbécile, j'ai la langue de Molière. Que je manie comme je manie la langue de mes parents. Maintenant t'as plus la même chatte. Tu la nouvelle signature de Dev Jam. Même si j'ai plus la même poche, prends la même relève postée dans le même check. Sarrazin veut ses geisha gros. Et mon fit avec geisha à colle. Pas de trou, j'ai compté chaque kill. La joie se trouve derrière chaque note. Jackpot. Ils sont loin. Loin de savoir ce que je prépare. Loin de savoir ce que je ne sais pas. Loin de savoir ce qui nous sépare. Pour palper, je vais taper que personne ne sépare. Cœur cassé que personne ne répare. Je suis pas rouge, je la prends pas même si elle est coquette. Hago calibré pour le choquer. Ils sont loin. Loin de savoir ce que je prépare. Loin de savoir ce que je ne sais pas. Loin de savoir ce qui nous sépare. Pour palper, je vais taper que personne ne sépare. Cœur cassé que personne ne répare. Je suis pas rouge, je la prends pas même si elle est coquette.